Chapitre 19. La révélation de l'abîme. Debout sur la roche la plus extrême de la pointe des Poix, tournant le dos à l'Atlantique dont les mugissements emplissaient les cavernes sous-marines, les anfractuosités du Daouet, et dont l'écume bouillonnait en mousse épaisse sur l'eau d'un vert noir enfermé entre ces falaises géantes, l'abbé Pierre Kerbiriou, les bras croisés sur la poitrine comme pour mieux comprimer les battements révoltés de son cœur, sa soutane demi-envolée dans le coup de vent soufflant sans arrêter de l'ouest, regardait, là-bas, ce point des côtes vers lequel l'ouragan semblait vouloir le jeter. Se profilant avec une implacable netteté sur la ligne sombre qui se termine aux pointes du vent et du rat, cet escarpement se dressait monstrueux, le cap de la chèvre. Là, c'était là qu'il lui fallait aller, lui, le prêtre, lui, le curé de Camaret. Une crispation serrait ses poings à lui enfoncer les ongles dans la paume des mains. Ses prunelles flambaient, lançant leur double rayon sur le sommet de cette ligne dont on distinguait nettement les saillies et les arêtes et que le sémaphore tachait d'un minuscule point blanc. Toute la terrible scène de la soirée précédente lui remontait à l'esprit, l'assaillant de doutes, d'hésitations, de remords, de tentations vagues. Et, d'une oreille distraite, il écoutait, tout en bas, à 80 mètres sous ses pieds, l'inlassable grondement du flot sur la base rocheuse de la presqu'île, cette presqu'île de porphyre, entre les roches de granit des côtes du Léon et du Rat. Comme s'il eût fait partie de l'énorme pointe, il lui semblait être de ce porphyre, cette pierre à fusil, plus dure que tout, tranchante comme l'acier, résistante, impénétrable, dont l'Atlantique arrive à désagréger les fragments, mais qu'elle ne peut ni entamer ni user. Lui non plus ne voulait pas céder, se laisser pénétrer et résistait désespérément. Il avait eu une sensation de foudroiement quand la veille au soir, il avait vu Marie-Anne revenir seule du cap de la chèvre. Ses questions avaient jailli, impétueuses. « Eh bien, qu'a-t-il dit? Tu ne le ramènes pas? Pourquoi ?» Elle avait répondu très sombre. « Je l'ai vainement supplié. Il refuse. » L'abbé avait fait un mouvement de désespoir, les bras au ciel, les yeux envahis par les larmes, s'exclamant. « Il est donc sans pitié, et il y en a qui se permettent de le défendre, qui parlent de sa bonté. Toi-même, tu prétendais. Il ne consentira à venir que si... » Elle n'osa achever, prise d'une hésitation suprême. Pierre Kerbiriou, haletant, jeta. « Tout ce qu'il voudra, il fallait le lui dire. » On le payera mieux que les médecins, quand tout ce que j'ai devrait. » La vieille servante secoua la tête. « Oh, ce n'est pas cela, il ne tient pas à l'argent. »« Que veut-il donc ?» questionna l'abbé surpris. « Que vous alliez vous-même le lui demander. » « Moi, allez, il est fou, complètement fou, et toi-même, Manaïque, tu es folle d'avoir cru un moment, d'avoir pu lui laisser espérer, il fallait... » Il ne trouvait plus ses mots, ses idées, allant et venant à travers la pièce, avec des gestes terribles, des exclamations entrecoupées, si hors de lui, si bouleversé qu'il ne savait même plus ce qu'il disait et qu'il ne comprenait pas comment cet homme avait pu seulement manifester une pareille exigence sans tomber aussitôt frappé par le ciel. « Alors, vous n'irez pas ?» demanda Marie-Anne. « Jamais, jamais !» Que moi, un prêtre, que moi, l'homme de Dieu, j'aille chez ce jamais !» Il lui semblait que la proposition même d'une démarche aussi extraordinaire fût presque un sacrilège, tellement en lui dominait l'âme primitive du paysan breton, l'âme simple, l'âme entière et naïve, entêtée malgré tout dans les idées venant des aïeux, les idées transmises par les anciens. Le séminaire l'avait dégrossi, mais sans parvenir à lui enlever cette fleur d'âme armoricaine qui lui donnait le frisson de crainte et l'horreur des fantômes de la lande, des superstitions qu'il combattait, auxquelles il s'efforçait de répondre à coups de miracles, Lourdes contre Corrigan, source sainte de Sainte-Anne la Palude contre Menhir ou Dolmen, saints et saintes contre fées et intersignes. Donc, pour lui, ancien paysan, ayant rejeté la légende pour accepter le miracle, le Reboutou n'était que le sorcier infâme, le représentant du diable, et lui, le représentant de Dieu, ne pouvait aller chez cet homme en sa demeure maudite. N'osant insister, Marianne se contenta de dire en désignant Denis, toujours dans le même état comateux depuis la veille, et que rien ne paraissait plus devoir rappeler à la vie, « Vous le préférez mort que guéri par Gualaine ?» Malgré lui, avant toute autre réflexion, dans l'ardeur de sa haine contre l'immonde ennemi du genre humain, les lèvres de l'abbé s'étaient gonflées pour répondre. Pour lancer le redoutable et définitif « Je l'aime mieux mort !» Mais à l'instant suprême, il n'osa pas. Le cœur défaillant, l'humanité se révoltant au fond de lui contre le fanatisme du prêtre, et il s'écria « Laissez-moi, laissez-moi! Je trouverai quelque moyen, quelque secours! Dieu le sauvera !» En même temps, il montrait le crucifix placé au chevet du lit. Toute sanglotante, la vieille bonne s'éloigna, murmurant en une révolte dernière « Il est perdu, mon pauvre gars !» Après une nuit sans sommeil, passée tout entière à combattre pas à pas la maladie, en s'efforçant de ne pas penser, de s'abîmer dans cette lutte matérielle plus âpre, plus tenace que jamais, Pierre Kerbiriou, dès le matin, sa messe dite, s'en alla errer au hasard du côté de la mer, laissant Denis le Marec surveillé par Marianne. Il lui semblait que là, en face de l'océan, dans cette solitude complète, dans cet enveloppement de l'œuvre de Dieu, il pourrait penser plus à son aise, invoquer plus librement le souverain maître et obtenir de lui que, par quelque soudaine et mystérieuse révélation, il lui dictât sa conduite. Souvent, lorsqu'il avait eu quelque grande résolution à prendre, quelque difficulté de conscience à vaincre, il avait agi de même. Ayant constaté l'intense religiosité qui se dégageait de la mer, de sa contemplation assidue, de sa fréquentation prolongée, du spectacle de sa force, de son mystère. Suivant les côtes Appalaches, il s'était dirigé d'abord vers le sommet si escarpé de la pointe du Grand Gouin, cheminant doucement à travers les bruyères roses, les ajoncs d'or, les pâles immortelles sauvages, et sentant s'élever autour de lui, plus suave, plus pénétrante à chacun de ses pas, l'arôme tendre, délicat des fleurs de la lande. Mais ce fut en vain qu'il essaya de concentrer son esprit sur la pensée qui l'occupait. Il était distrait, appelé à chaque instant par la vague brodée d'écume, par la plainte du flot sur une grève ou dans les cavernes cachées, par la grosse voix houhoulante du vent, qui balayait par rafale les fleurettes et les herbes rases. Malgré lui, il regardait, il écoutait, ayant sous les yeux cet incessant mouvement de l'océan, d'une variété perpétuelle, très impérieux et très autoritaire. Après cette grosse fatigue toute récente, après cette série d'émotions terribles, il goûtait un repos délicieux, complet, un repos sans pensée, sans rêve, comme sous le bercement de la nature complice, tandis que les voix du large, en voix de sirène, lui chuchotaient mille phrases de séduction qui le retenaient et le charmaient. Ce fut une sensation si étrange, si neuve pour lui, que, oubliant tout ce qui venait de se passer, il s'y abandonna, prenant goût à cette infinie contemplation, ressaisi en cet instant par l'âme mélancolique et rêveuse de ses ancêtres. La grève de Penat s'étendait, l'appelant de son sable tiède et fin. Il céda, franchissant les dunes, toutes semées de liserons, de chardons bleus, et, sans s'en rendre compte, la marée descendant ce jour-là très bas, il se trouva tout à coup devant ces merveilles sans rivales, les grottes du Toulinguet. Toujours pris par ses occupations, rarement Pierre Kerbiriou était venu jusque-là, et il ne se rappelait même plus avoir jamais visité cette curiosité du pays. Il eut une seconde de saisissement comme en présence d'un spectacle inconnu. Sous l'influence de l'état d'âme dans lequel il se trouvait, il lui sembla pénétrer dans un sanctuaire sacré où Dieu, ce Dieu qu'il invoquait si ardemment depuis la veille, allait brusquement lui apparaître, lui apporter la révélation demandée. Dans cette succession de grandioses décors naturels, la plus étonnante que l'on puisse rencontrer le long des côtes de Bretagne, à travers ces grottes qui allaient de l'une à l'autre, reliées par d'énormes piliers, jetant au-dessus de sa tête, en arceaux de cathédrale, des arcs géants marbrés de rouge, de jaune et de violet, d'où pleuvaient d'éternelles gouttes d'eau. Il marchait frappé de respect, ayant sur lui l'impression d'une voûte d'église, de la mosaïque resplendissante de quelque temple majestueux. Du fond de la première grotte, la plus considérable, avec sa profondeur de 50 mètres et son élévation de 30 à 40 mètres, il apercevait, sous le cintre surbaissé d'une ouverture plus petite, la mer, une voile rouge ou brune qui passait, la ligne d'horizon de l'océan, puis, c'était ça et là, une flaque d'eau étendue en petit lac intérieur, quelques vastes baignoires de roches améthystes ou rubis, dans laquelle nageaient des crevettes, de petits poissons, où rampaient les étranges anémones de mer, pourprées, violettes, blanches, les grandes fleurs sauvages et pittoresques que balance le flot, cet éternel berceur des choses animées et inanimées. Tout cela, c'était l'œuvre du Tout-Puissant. Il eut le trouble de se trouver ainsi au moment où il s'y attendait le moins, en communion plus étroite que jamais avec lui, et ce fut comme une action de grâce, de reconnaissance, montant de son cœur que grandit son admiration. Subitement s'épanouissait ce qui fermentait sourdement en lui depuis qu'il était fixé dans le pays. Les années de séminaire, la rude et continue discipline du clergé, l'enseignement des dogmes, les lourds et fumeux mystères où se cache toute une philosophie élevée et poétique, avaient, autour de son crâne, épaissi comme un cercle de pierre et de brouillard, enfermant peu à peu le cerveau dans un sourd et obscur caveau parfumé d'encens, où rien de la nature ne devait plus pénétrer, où seule devait flamber la lumière pure, abstraite et immuable de la religion, de la foi. Mais depuis qu'il était rendu à la liberté du grand air, au souffle salin des espaces, de l'Atlantique, ce crâne s'était dégagé de la gangue funèbre dont on s'était plu à l'entourer, comme d'une défense inviolable contre les influences extérieures. Des fissures, à la longue, s'étaient produites dans la dure et implacable barrière élevée par l'enseignement des hommes, par la sévérité d'éducateurs absorbés par l'unique idée de Dieu. Et voilà que, sous l'assaut fougueux qu'il recevait de tous côtés, ce jour-là, par suite aussi de la disposition toute spéciale dans laquelle il se trouvait, la nature conquérante pénétrait victorieusement ce cerveau, reconquérait cet homme qui autrefois, en son enfance, lui avait appartenu. Après un si long laps de temps passé dans le sacerdotat, elle l'assouplissait de nouveau aux tendresses, aux émotions humaines. Inconscient, comme s'il eût vécu dans un rêve, l'abbé Kerbiriou poursuivait sa marche, enfonçant avec délice ses pieds dans ce sable qui cédait mollement sous chacun de ses pas, regardant autour de lui avec une curiosité insatiable de prunelles ouvertes sur des choses neuves. C'est ainsi que, sans ressentir aucune fatigue, sans savoir où il allait, il longea dans toute sa longueur la grève de Penhat, continua de gravir l'autre pente escarpée de la falaise qui conduit au village de Kerbonne, puis, sans cesser de contempler l'attirante Atlantique, s'aventura en suivant tous les contours de la côte vers la pointe des Pois. En même temps, en lui, le phénomène achevait de se produire, se développant. La vision prolongée de l'océan, le spectacle fortifiant des vagues, l'énorme et pénétrant battement des souffles venus du grand large, le parfum tiède de la lande, la molle douceur des sables, venant s'ajouter à l'action secrète déjà accomplie sur lui par l'assidue société des êtres naïfs et simples, composant son troupeau spirituel, avait fini par battre en brèche tout ce qu'il y avait d'étroit, de fanatique, dans son application trop stricte de la religion. Maintenant, par un retour inattendu, il devenait apte aux conceptions plus larges, plus humaines. Il ne sentit plus en lui une répugnance aussi grande, une horreur aussi sacrée pour ces gens de là-bas, pour celui qu'on lui avait appris à considérer comme l'ennemi. Le même amour des humains, le même sourire vis-à-vis des choses, semblait secrètement réunir ces deux personnalités en apparence si différentes, si contraires, le prêtre et le sorcier. En ce moment, par la toute-puissance de sa force mystérieuse, de son invisible action, la nature en faisait des êtres pareils, des égaux devant elle. Il s'oubliait, pris d'une pitié qu'il ne s'était jamais sentie, remuant en lui des choses qu'il n'avait jamais trouvées sous cet aspect apaisant et consolateur. Ses lèvres murmurèrent « Pourquoi pas ?» Un choc l'arrêta brusquement. Son pied venait de heurter un fragment de roche. Il leva les yeux, aperçut d'abord devant lui le gouffre au fond duquel s'agitaient des eaux violentes et terribles, et se cramponna d'instinct aux blocs entassés autour de lui avec la vague sensation d'avoir failli tomber, faire une épouvantable chute dans l'abîme. Puis, en se retournant vers le sud, il distingua là-bas, juste en face de ses yeux, un promontoire lancé en coup de tête vers l'Atlantique et cria « Le cap de la chèvre !» Le charme venait de se rompre. Le prêtre se ressaisissait à l'extrême bord de ce gouffre, la grande séduction de la nature, au moment où sa pensée, son cœur allait s'y engloutir, comme son corps avait manqué s'abîmer dans le précipice. Il passa la main sur son front pour achever d'en écarter l'obsession, et, de sa bouche entr'ouverte par une secrète épouvante, ce murmure vola. « L'abîme, l'hérésie !» De nouveau ses paupières se soulevèrent pesamment, comme s'il eût eu quelque peine à s'arracher à la vision de miséricorde qui le hantait depuis les grottes du Toulinguet. Ses yeux allèrent, des eaux écumeuses grondant entre les tas de pois, à cette pointe de terre qui cachait la baie de Douarnenez, à cette côte de désolation et de misère. D'instinct, ses doigts s'unirent pour la prière, tandis qu'il élevait sa pensée vers Dieu, suppliant « Inspirez-moi, Seigneur !» Mais il avait beau prier, redoubler ses invocations à la divinité, aucun signe d'en haut, aucune marque extérieure ne venait lui donner une indication pour la conduite qu'il devait tenir. Et, plus ses regards se fixaient, chargés de douleur et d'inquiétude, sur la forme lointaine de cette lande sauvage où habitait Nédélec Gualen, plus il sentait renaître en lui, farouche, les haines sacerdotales que l'Église lui avait coulées dans les veines et qui emplissaient autrefois son cœur. Doucement, impitoyablement, sous le souffle brusque du fanatisme, l'œuvre précédemment accomplie par la nature s'émiettait, disparaissait, pour ne plus laisser là, sur cette pointe de porphyre, en face du reboutou, que le prêtre. Après quelques instants de suprême indécision, il poussa un profond soupir et se décida à reprendre le chemin de Camaret. Qu'allait-il dire à Marianne ? Comment lui apprendre qu'entre sa conscience de prêtre et son devoir d'homme, il n'hésitait plus et qu'il sacrifiait son neveu à ses convictions de chrétien? Il eut une exclamation. « Dieu sait cependant si je l'aime. Si le Seigneur voulait prendre ma vie en échange de la sienne, je la lui donnerais avec joie. » Plus il approchait de Camaret, plus il hésitait à rentrer au presbytère. Il dépassa l'église, monta la route qui conduit à Crozon et Auffray, avec l'intention vague d'aller prier sur la tombe de sa sœur, de lui demander pardon de ce qu'il faisait. Arrivé devant la grille du cimetière, il recula, tremblant à la pensée de venir dire à la morte « Ton fils, l'enfant que tu m'avais confié va mourir, et je ne ferai pas tout pour le sauver, puisque je me dérobe devant la seule chose qu'il me reste à tenter. » Il essaya de se raisonner, objectant. « C'était une chrétienne, elle m'approuverait. » De nouveau, ses pieds l'entraînèrent au hasard, ses lèvres balbutiaient. « Que la bonne Vierge me conseille, Madame Duroc, protectrice des malheureux en péril, je m'en remets à vous. » Des doutes recommençaient à l'assiéger. Il était si troublé qu'il ne savait plus où il se trouvait. Une bifurcation de chemin l'arrêta. Aussitôt, ses prunelles furent attirées impérieusement par la croix de pierre brute qui se dresse un peu au-delà du cimetière à l'embranchement de la petite route se détachant de l'artère principale pour conduire au village de Kerhoz. Cette croix, appelée en raison de quelques légendes oubliées la croix du loup, bordait autrefois le côté gauche de la route transplantée maintenant à droite. Elle relève des crèches de Kerhoz. Un cri lui échappa. « La croix !» Cette croix, une ancienne pierre druidique, est comme la caractéristique de cette terre de Bretagne, si curieuse, où l'on voit des menhirs surmontés du symbole sacré, des dolmens marqués de l'emblème catholique. Adroitement, chaque fois qu'elle l'a pu, la religion s'est ainsi emparée de la légende, et au lieu de détruire le monument païen des druides, l'a transformée en lui imposant sa croix. Ce souvenir illumina l'esprit de l'abbé Kerbiriou, lui arrachant la réflexion. « Voici l'indication !» Il songeait à ces croix plantées par les premiers missionnaires de Bretagne sur les pierres maudites. Pourquoi n'agirait-il pas de même? Assurément, pour lui, le devoir pieux, c'était de se rendre à l'appel du Reboutou, de faire ainsi pénétrer la croix dans la demeure suspecte, en plein pays hanté, de transformer la maison païenne en sanctuaire chrétien. Jamais il n'aurait plus belle occasion d'accomplir cette mission d'apôtre qu'il s'était donnée dans le pays. En sauvant son neveu, il ferait en même temps servir sa démarche à la cause de la religion, à la gloire de Dieu. Il décida, la tête haute, le regard assuré, « J'irai chez ce Reboutou !» Quelques instants plus tard, il se rendait à la chapelle de Notre-Dame de Rocamadour pour remercier la Vierge de l'inspiration qu'elle lui avait envoyée et demandait à Mahadour de le conduire au Cap de la Chèvre.